force de trop jouer avec le temps, on a le cœur en désordre. T'étais un diamant parmi grains de sable, t'illuminais le décor. La vie défile comme sur les quais de gare, trop prisé pour un regard. On s'est promis, on s'est forcé d'y croire. J'ai peut-être pas choisi la bonne. Et mon cœur, tu ne peux le voir. Il se trouve bien quelque part. On fait le même constat depuis le temps qu'on se voit. J'ai vu tant d'événements. On se fait mal certaines fois. Chérie, dis-le-moi si je suis le bon. T'es dans mes pensées négatives souvent. Je suis parti et je t'ai laissé sur un banc. Désormais, j'irai là où mène le vent. L'éternité définit pas le temps. On prend un mauvais tournant. Comment expliquer ça à nos enfants? Que notre amour nous tourmente. La vie défile comme sur les quais de gare. Trop pressé pour un regard. On s'est promis et on s'est forcé d'y croire. J'ai peut-être pas choisi la bonne. Je me voyais pas, moi sans toi. On a fait le tour, on sait pas. Je me retournerai pas cette fois. Je me retournerai pas cette fois. À force de trop jouer avec le temps, on a le cœur en désordre. T'étais un diamant parmi grains de sable. J'ai peut-être pas choisi la bonne. J'ai peut-être pas choisi la bonne. J'ai peut-être pas choisi.